Section 31 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 31. L'adoré par René Mézeroy. Septembre 1885. Cette nuit, j'ai vu le paradis que je rêve dans mon espoir de Pain, l'idéale patrie où l'on doit s'adorer avec des tendresses, avec des forces, avec des jouissances rajeunies, éternellement nouvelles, où l'on n'entend que la musique des baisers, où l'on ne souffre pas, où l'on oublie les plus amères douleurs, les plus cruelles des illusions. J'ai vu le paradis dans la chambre, où se fanaient des bouquets d'œillets. Au dehors, c'était le divin silence du clair de lune. Elle avait les pieds nus, et sur son corps adorable, son corps de déesse qui m'extasie, rien qu'une chemise de batiste et de maline, sous laquelle transparaissaient les roseurs, les ombres blondes de sa chair. Et j'avais envie de me mettre à genoux, les mains jointes, de lui dire de longues litanies enthousiastes et glorieuses, de l'invoquer, de lui demander pardon de mon audace avant de baiser même les ongles de ses petits pieds, de monter jusqu'aux délices de sa bouche, jusqu'aux mystérieuses splendeurs de son être. J'ai vu le paradis, et j'aurais voulu ne pas me réveiller de ce rêve, meilleur que tous les rêves, ne plus être, ne plus vivre, après une béatitude pareille. Fin de la section 31, enregistrée par Margot.